Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore diffusée sur les ondes de CKRL de 89.1. La radio qu'on retrouve également sur la toile à ckrl.qc.ca, où que vous soyez sur la planète. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver. C'est un magnifique album des créateurs sonores et musiciens Philippe Lauzier et Carlos Costa qui m'a inspiré à l'émission de ce soir. Aussi simplement, une émission consacrée à l'écoute de créations expérimentales portées par des instruments à vent. La clarinette basse, le saxophone, la trompette, le tuba, des instruments à vent, vous allez voir, qui sont accompagnés de magnifiques sonorités, parfois percussives, parfois électroniques, domestiques, bruitistes et aussi instrumentales. On est au carrefour des arts sonores et de la musique, vous vous en doutez bien, et sans doute aussi au cœur de ce qu'on appelle les nouvelles musiques. En tout cas, ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. On va bien sûr écouter de beaux extraits de cet album intitulé Interspace de Philippe Lauzier, Carlo Costa, auxquels vont s'ajouter en seconde partie d'émission les créations des Italiens Luca Percibali et Ivan Valentini, une découverte que j'ai faite, ainsi que du collectif montréalais The New Dialect, dans lequel on retrouve plusieurs artistes, je les nomme Rachel Terrien, Julie Richard, Ali Fotowat et Rémi Leclerc. Et pour débuter cette soirée dans le vent, je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album intitulé Interspace, qui sera suivi d'un entretien que m'accordait Philippe Lauzier sur ce projet. Philippe, qui est un interprète, un improvisateur, un compositeur exceptionnel. Alors, c'était pour moi un grand plaisir de le retrouver. Alors, on écoute ça. Philippe Lauzier, bienvenue à l'émission. Très heureux de te voir ce matin. Bonjour Gaëtan. Philippe, bon, ce projet, ça s'intitule Interspace, un projet que tu as réalisé avec Carlo Costa. Et j'aimerais ça que tu me parles de Carlo Costa. C'est un musicien, c'est un performeur. De qui s'agit-il? Ben, Carlo Costa, tout d'abord, c'est un percussionniste improvisateur. Qui utilise beaucoup la batterie comme instrument central, mais il l'extensionne avec beaucoup de cloches diverses, métallophones, accessoires. Il augmente un peu sa batterie par un attirail d'autres instruments de percussion. Puis je l'avais vu, lui habite à Brooklyn. C'est un Italien de souche, mais qui est basé à New York depuis quand même un bon moment. Puis on avait des amis en commun à travers des voix. J'ai quelques amis norvégiens qui le connaissaient, mais qui avaient déjà joué avec lui. Puis bref, un de ses amis norvégiens m'avait dit « Hey, j'ai un ami, Carlo Costa. » Il m'avait dit « Tu devrais aller le voir, tu vas vraiment aimer qu'est-ce qu'il fait. Je pense que vous avez des atomes crochus musicalement. » Puis effectivement, il ne s'était pas trompé. J'allais à son concert, puis on a sympathisé, puis on est resté en contact. On a fait un premier concert avec Pierre-Yves Martel en 2019 dans le cadre d'une série que j'organise à la Galerie B312 à Montréal, la série B vitrée. Puis, bon, on avait joué en trio, puis après ça, on voulait continuer, mais bon, la pandémie est arrivée, puis on s'est interrogé sur comment continuer notre collaboration ensemble, puis rester un peu actif dans ce qu'on aurait voulu faire, mais autrement, tu sais. Fait qu'on a. Je l'ai invité d'abord à jouer sur un album solo que j'étais en train de travailler, sur lequel je travaillais à ce moment-là. Puis par la suite, on s'est dit, il faudrait vraiment faire un vrai projet duo, tu sais, par correspondance. Puis ça a donné ce disque-là qui, on s'est dit, on veut pas nécessairement juste s'envoyer des tracks puis jouer par-dessus la track de l'autre. Tu sais, disons, la manière la plus évidente aurait été celle-ci, qui est, c'est tout à fait, il y a rien de mal à ça, mais on s'est dit, ah, peut-être qu'on peut s'envoyer c'est de travailler des partitions. D'instructions pour essayer de jouer plus comme des pièces qui vont révéler une certaine surprise à la fin, dans le sens que lui fait sa propre interprétation de ma partition à instruction, si on veut. Puis il la joue comme une pièce solo en soi, qui se tient en elle-même. Puis moi, de mon côté, j'ai mes propres instructions, puis je joue mon matériel à moi qui fonctionne en solo. Puis ils sont dans le but de les coller ensemble à la fin. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis ça a donné cette musique-là. C'est très intéressant comme travail, c'est très novateur. Écoute, Philippe, on va écouter un extrait de cet album qui s'intitule Interspace. Et bon, il y a comme deux volets dans cet album et je vais faire entendre un extrait des quatre mouvements de Synchronia Vaga. Alors, on écoute ça puis on poursuit ensemble notre conversation. Parfait. Philippe, dis-moi donc, qu'est-ce qui le rend singulier par rapport à ta démarche en général? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait un travail de composition proprement dite ou s'il est dans la foulée de tes travaux de recherche là, jusqu'à maintenant? Où c'est que tu le positionnes, ce projet-là? Il est assez, il est assez particulier, je dirais, parce que le processus était en soi nouveau. On n'avait jamais travaillé de cette façon-là, ni l'un ni l'autre. Tu sais, donc, pour les deux, c'était nouveau. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir essayé d'innover ou de trouver des façons différentes de travailler pendant cette période-là. Alors, ça, c'était en soi une nouveauté, mais je pense que la composition, c'est pas nouveau, mais cette façon de composer là, par instruction, sans être à proximité de l'autre personne, aussi le travail de editing, tu sais, de c'est pas tant qu'il y avait pas particulièrement beaucoup d'editing parce qu'on voulait garder ça très respecter le collage finalement des deux parties. Alors, t'avais-tu une question là-dessus, Étienne? Oui, enfin là, je reprends mes notes, Philippe. Et est-ce que le titre, lui, évoque aussi quelque chose là, par rapport à ce processus-là? C'est un titre au hasard ou un titre qui est vraiment ancré dans le travail? Bien, je pense que c'est un espace particulier de travail, là. On était dans un lieu, un non-lieu, tu sais, ils n'étant pas ensemble, donc ça se passait, ça se passait dans la correspondance. Dans les échanges, donc il y avait comme le lieu n'était pas particulièrement défini autrement que, en fait, on était chacun dans nos lieux respectifs, mais il y avait quelque chose qui se passait entre les deux, donc c'était peut-être ça, peut-être l'interspace là, de ce que l'on s'envoyait l'un et l'autre. Donc, je ne sais pas, je pense que le titre, il est sorti comme ça, puis par après, il y a peut-être cette définition-là, puis cette explication-là s'est révélée, là, mais je... Toujours une question piège, la question sur les titres. Écoute, on écoute là, sans tarder, un autre extrait de l'album intitulé Interspace, projet de Philippe Lauzier réalisé avec la complicité de Carlo Costa. Alors, on écoute ça. Hey Philippe, dis-moi, est-ce que vous prévoyez une tournée de ce projet avec Arlo? Et puis, j'en profiterai pour t'entendre sur sur les projets à venir là, en matière de création, de diffusion, tout ça. Eh bien, on n'a pas de tournée à venir pour ce projet, non. Bien qu'on ait quand même tenté on a eu quelques brèches des possibilités en Europe. On a investigué ça, puis c'était l'année passée, puis c'était encore très compliqué. On s'est dit, on va peut-être reprendre ça plus tard, mais pour l'instant, on travaille plus sur mon projet Splendid Abyss là, en Quatuor. On a fait un premier concert l'automne dernier à la série Nohai Banda à la Sala Rosa. Présenter le premier concert qui a été vraiment super. On était tous bien contents. Puis là, cet hiver, on va se rencontrer chez Carlo à New York pour un workshop avec des musiciens avec qui il joue souvent. Puis on va travailler ensemble aussi le quatuor. Puis bon, on a des choses qui s'en viennent, mais je ne suis pas encore supposé les révéler. Mais donc, je vais me tenir silencieux sur les prochaines activités. Il y en a en 2024, oui. Voilà. Beaucoup de projets à venir. Philippe, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. On va terminer la demi-heure parce qu'on est en première partie d'émission. On va finir ça avec un extrait parce que c'est une pièce tout de même assez longue de ce volet qui s'intitule « Soft Routine ». Très belle pièce qui comporte deux harmoniques quand je relis les notes de ce projet. Alors, grand plaisir. Merci beaucoup, Gaétan. Et à la prochaine. Très beau projet de Carlo Costa et Philippe Lauzier, un album intitulé Interspace. Très belle construction sonore. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1 que vous retrouverez sur la toile à ckrl.qc.ca. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions archivées jusqu'à maintenant pour une écoute ou encore une réécoute là, quand ça vous tente. Alors, je vous propose ce soir des explorations sonores qui sont principalement portées, menées, inspirées par des instruments avant. Des instruments avant qui sont bien entourés de sonorités instrumentales et, ou encore électroniques, des bruits et des voix aussi. Alors, vous verrez. Comme on a pu l'entendre en première partie avec Philippe Lauzier et Carlo Costa, on poursuit notre écoute au travers ces univers harmoniques constitués de collages de percussifs, de résonances et de sons parfois polyphoniques, de saxophones avec des extraits d'un très bel album cette fois qui s'intitule The Black Box Theory, album réalisé par les musiciens créateurs sonores italiens Luca Persibali et Ivan Valentini. Alors, écoutez ça, les notes qui accompagnent cet album en disent beaucoup, et là, j'ouvre les guillemets. « C'est embarrassant de trouver tous les mots nécessaires pour décrire l'acte de création à l'état pur. Peut-être devrions-nous parler de l'approche compositionnelle d'une manière flexible. Le principe de la boîte noire est à la base de ce projet, un processus dont les entrées et les sorties sont connues, mais dont le fonctionnement interne n'a pas à être connu pour atteindre le but recherché. » Je referme les guillemets, c'est la Black Box Theory de Luca Persibali qui est aux guitares et aux instruments électroniques, accompagné de Ivan Valentini au sax alto soprano. Il est aussi à la manipulation d'objets et au bidouillage électronique. Alors, je souligne que tout ce projet résulte d'une session improvisée, sans montage, enregistrée en septembre 2016. Ça n'a pas vieilli. Alors voilà, on écoute un enchaînement de pièces intitulé Tuning et ça sera suivi de Singing in Overtones. On écoute ça. ... Thank you. très beau travail d'expérimentation improvisée des artistes italiens Luca Percibali et Ivan Valentini. Un travail d'exploration sonore réalisé à la guitare et au saxophone, tout ça accompagné d'instrumentation électronique et de percussions. Des percussions qui sont menées par Valentini et Luca Percibali qui manipule l'instrumentation électronique. Et tout ça réalisé d'un seul jet d'improvisation, sans rature, sans montage. Il y a de quoi être fier, ils le disent. Alors voilà, on va compléter avec une autre pièce tirée de cet album intitulée « The Black Box Theory ». Une pièce intitulée « Mouvement court en chambre anéchoïque ». Alors là, je traduis de l'anglais « Short movement in anechoic chamber ». Très belle pièce, alors on écoute ça. Thank you. Pas mal tout de même. Alors, pour compléter la soirée, je vous propose cette fois des expérimentations sonores issues d'un collectif à géométrie variable, collectif intitulé The New Dialect. C'est un collectif qui est apparu en 2010 et qui est resté actif jusqu'en 2019, mais dont les parutions tout de même demeurent pertinentes, dignes, en tout cas dignes d'être réécoutées. Et dans l'esprit de l'émission de ce soir autour des expérimentations issues d'instruments avant, on va écouter des extraits d'un projet intitulé Prehistoric Birds, oiseaux préhistoriques, un projet qui réunit les musiciens et créateurs, créatrices sonores Rachel Terrien, Julie Richard, Aleph Otowat, Pat Hamilton, Karine Cléier-Merle et Rémi Leclerc. J'en ai oublié tout à l'heure en intro, je m'en excuse. Alors, je vous résume la teneur de cet album par ces mots du poète Alain-Arthur Pinchot. J'ouvre les guillemets. Quant au hasard des routes, à la rencontre des genres musicaux, pour expérimenter la création, on s'installe dans un laboratoire, on découvre de nouveaux langages, un nouveau dialecte, que ce soit l'espéranto ou l'exploréen, ou encore le langage des Klingons, peu importe l'endroit ou l'envers. En musique, l'interrelation entre les cultures et les civilisations, entre les modes et les courants de la modernité, entre le spectacle improvisé et le labyrinthe contrôlé, nous permet de créer un monde inouï, merveilleux. Je referme les guillemets. On écoute un enchaînement de deux titres de cet ensemble, Géométrie variable, qui s'intitule The New Dialect. Alors on écoute Morning Hunt et Hibernation, le rêve d'hibernation. Thank you. Une belle oscillation entre le plein et le vide sonore. Franchement, très belle pièce. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des créateurs, créatrices sonores, musiciens, musiciennes. Philippe Lauzier, Carlo Costa, Luca Percibali, Ivan Valentini, Rachel Terrien, Julie Richard, Ali Photowatt, Pat Hamilton, Karine Clayet-Merle et Rémi Leclerc. Alors, grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur de très nombreuses plateformes numériques, dont la maison Tour de bras de Rimouski notamment. Alors voilà, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça très facilement sur la toile. Alors voilà, on écoute pour terminer une autre création du collectif The New Dialect. C'est tiré de l'album Prehistoric Birds. Alors quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore depuis les studios de CKRL. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.